بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين، أما بعد. ما معنى حدث يحدث؟ لا، حدث يحدث، ما كنت حصل على؟ لا، حدث ما معنى سيبرودوير اريفي مثل حصل يحصل كونتكست متى حدث هذا كونتكست سيبرودوير منتصف الليل مثلا منتصف نعم شعر يشعر ressentir. Humma. Humma. Humma. Humma. لقد شعل بحمى وألم في بطنه. ما معنى حمى؟ لا. حمى. حمى. سي ألم دولار. La fièvre. Button. Plus. Ça c'est vrai. Et ta folie et ta silo. Appeler, téléphoner. L'isaf. L'urgence. Secours. Ouais. Ashifa. Guérison. Al-Ajil. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, mashallah. Yamin. Yamin Allah. Alaikum salam. Al-Ajil. Elle. العاجل عاجل كما قال نتمنى له الشفاء عاجل نعم نعم تمنى يتمنى ليل تكلم يتكلم تحدث يتحدث لا. تحدث يتحدث تعرف معنى؟ discuter. مشى يمشي. أكل يأكل. رجع يرجع. مريض. أمس. طيب. طيب امس قلت لك ان الفعل كان الفعل كان يدخل على الجمله الاسميه يغند على فاز نومينال اسميه ويغير الاسم المرفوع بعده سيدي الاسم كي مرفوع Comment on l'appelle ? Kana Omar, مثلا, jalisan. Omar, c'est quoi Omar ? كان عمر جالسا. اسم كان أيوة أحسنت. وجالسا خبر نعم خبر كان خبر كان ومنصوب. أحسنت. اليوم قلنا التمارين كم؟ رابع. هكذا؟ خمس. خمس؟ خمس. طيب. املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمة المناسبة مما يلي. طيب. الجملة الأولى ماذا كتبت؟ كان إبراهيم مسافرا بالطائرة. نعم. بالطائرة. نعم. بالطائرة. ثانيا كان عبد الله ماشيا في الطريق. ماشيا في الطريق. ثالثا كان إسماعيل نائما فوق السرير. فوق فوق نعم فوق نعم فوق السرير. ثالث رابعا كان أحمد جالسا على الكرسي. نعم. خامسا كان سليم ذاهبا إلى المعهد. طيب أحسنت. سادسا سل كل كلمات من كلمات المجموعة ألف بمرادفها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج اللي entre les synonymes dans les deux colonnes. طيب العادل سريع. سريع. سريع. طيب حدث حصل. نعم. يتمنى يرجو. نعم. يرجو في الماضي سي رجاء كالف ممدودة رجاء يرجو. التالية الآتية. طيب سابعا استخدم كل كلمات من كلمات الآتية في جملة مفيدة لمفيدون dans les phrases qui ont un sens. طيب نترك هذا التمرين عليك لغد إن شاء الله لغد تفعله. طيب ندخل في الدرس الخامس عشر. طيب العنوان عمر يلزم سرير المستشفى. كعمر comme on dirait est cloué sur lit d'hôpital. C'est une chose qui est obligatoire. Comment c'est mais le sens qu'ils veulent par là, c'est qu'il est bloqué sur le lit allongé, qu'il est contraint de rester sur le lit d'hôpital. C'est ça qu'ils veulent dire par là, par Yelzamou. Voilà. Bien que la Zemi Yelzamou peut être employée dans d'autres situations et prendre le sens. Une stache face à l'hôpital. سياتي. الكلمات الجديدة حول يحول مثلا ترانسفير ترانسفيري المصدر في التحويل كيف يدى ترانسفيري لازم يلزم eux comme je l'ai dit là dans le texte qu'ils veulent par là c'est qu'il est une forme de contrainte de rester allongé, de rester au lit. Et l'azima, ça peut être aussi genre « yelzem alayka kaza ». Il est obligé de faire toute autre chose. « Wajaba alayka kaza ». Ça a le sens de « wajaba » aussi. Al-Muhim, là dans le texte, il va dire quoi? Qu'il doit rester au lit. Qismun, là dans le texte, par qism, à la base, qism c'est une section d'une chose. Et là, il veut quoi? Un service, parmi les services hospitaliers. C'est comme ça qu'on dit? Un service, oui, un service. Donc, un service tueur, il n'y a pas d'autre mot. Les urgences, service enfantile, pédiatrique, ou je ne sais pas quoi, service maternité. C'est ça qu'on dit, c'est un service. Ouais, c'est ça qu'ils veulent en fait. Al-Batiniya, là c'est un mot qui se rapporte au ventre. Qui veulent en fait le dire que, comme dans le texte là va apparaître, Anufilqism al-Batiniya, qui est dans le service des ventres, en fait. Là où on soigne le ventre. La base Batiniya, c'est une chose intérieure. Batini, c'est une chose qui est intérieure, ou cachée. Quand on dit fil batin, c'est le contraire de min khalij, ou zahir. Mais là, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est un truc qui se rapporte au ventre, à l'intérieur. Un mustashfa, l'hôpital. Ma'aruf. Makasa, yamkusu, c'est, en fait, rester une période, résider. Et lui, il veut hospitaliser, je pense, dans le texte. Mais on dit, Kadmakasta, vous savez, le film Kadmakasta, combien de temps tu restes là-bas, dans tel lieu? Rester. Parmi les sens, non, rester. Aladja, yu'aladju, soigner. Et soigner. Ayyamun adajam yom. C'est le jam de yom qui veut dire jour. Donc là c'est les jours, ou des jours. Zara yazuru. Kad marra mina. Man yafkuru. On l'a dit après, il est déjà passé par. Non, visite, par simple. Fahasa yafhasu. Kazali kad marra mina. Amana fahasa yafhasu. Ça c'est contrôlé, ça. Contrôler, analyser, examiner. Donc là, c'est l'examen. Comme le frère médecin. Mais c'est comment on compte? C'est Yafhasu. Auscultation. Hein? Yafhasu. Yafhasu, là. Donc Yafhasu le mari, c'est ausculter le malade, en fait. C'est un sens d'examiner. C'est le même sens. Al-Yoma, c'est aujourd'hui. On dit Al-Yoma Kalifuallem, tout seul, c'est aujourd'hui. Et Raden, Al-Aks, demain. Et une erreur que beaucoup de gens font, ils disent tout le temps Raden, Raden, Raden, Raden, Raden. Comme si le mot il était Moulazim d'une lance. Non, Raden, il peut venir avec une kasra, ça dépend ce qu'il y a devant. Vous voyez? Pas avec une dame. Raden. Si, ça peut, ça dépend de ta preuve. Non. J'ai pas d'exemple en tête, mais c'est pas un mot qui est, c'est un mot qui est bon en arabe. Il prend la halaka en fonction de la phrase. Quand on lit, on s'arrête. Mais sinon, si tu lis, c'est l'iradine écrit dans le Coran. Vous voyez? Chacun me regarde ce qu'elle a fait pour demain, pour l'avenir en fait. Donc, faut attention. Souvent, l'emploi mansoub. Très souvent les mansoubs, il faut faire attention. Ce n'est pas obligatoire. Tayyib, tarkib al-nahwiyya wa sarfiyya, ça t'azhar fi nas. Dans les ta'birat, dans les expressions, il écrit tout en bas, lazim as-salir al-mustashfa. Vous voyez, qu'il est resté allongé sur le lit d'hôpital. Il doit rester allongé. تمام الحوار عثمان وعلي انت عثمان وانت علي الى نعم ماذا قرر الطبيب قرر لماذا قرر لا كما قلت ماذا قرر نايوه J'ai pas de gâchette sur le rat. C'est-à-dire quoi déjà on avait dit karra. C'est son gazi. Ah ben là c'est décrété. Hein? Décrété? Non. Qu'est-ce que le médecin a décrété pour Omar hier? On va dire qu'est-ce qu'il a décidé. Ça ressemble un peu. On va dire qu'est-ce qu'il a décrété. Ali. Là en fait c'est où, ils ont fait une erreur. Donc, il l'a examiné, ensuite l'a fait transférer à l'hôpital. Hoffman. Est-ce qu'il est retourné au dortoir? Ali. Non, il dit non. Il est resté allongé sur le lit d'hôpital pour que le médecin puisse se soigner. Donc, dans quel service est-il? Donc il dit, il est dans le service qui se rapporte au ventre. Fitabir, tabir c'est l'un des sens pour dire étage, là il veut dire étage. Troisième étage. Tabir, thalith. Troisième étage. El hujra, el rabia. La chambre 4, quatrième chambre. Je vais le visiter demain, Inch'Allah. Et tu peux dire aussi Sa'ouduhu. On a dit Aada Ya'oudou, c'est aussi le sens de visiter. Vous l'employez pour visiter. Aada Ya'oudou, vous l'employez aussi pour Zahar Yazouru. Iyadat al-Marid, c'est la visite du malade. Jlis. طيب اولا يقول استمع وردد فحص الطبيب عمر امس donc امس c'est à dire quoi on a dit hier. Les noms qui définissent le temps en arabe, comme on l'appelle ظرف مكان ou ظرف زمان, qui définit le temps ou le lieu, sont mansoubs. طيب sont mansoubs. Et la Amsi, lui, c'est un de ces noms-là, il se m'a dit Zarf al-Zaman, un lieu qui indique un temps. Mais lui, Amsi, il est spécial, il est même ni. Il a surtout qu'une kasra. Tu ne dis pas Amsan, tu dis Amsi. Toujours. Fahasa al-Tabibu Omar Ams. Donc le docteur a consulté Omar hier. Lam yafhas al-Tabibu Omar Ams. Quand l'âme rentre dans un film moudarir, on a dit que ça veut dire quoi? L'âme. C'est la négation? Non, une négation qui ramène au passé. Donc le tabib n'a pas consulté Omar hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Consulter ou là? Ausculter, ausculter. C'est Omar qui consulte et c'est le tabib qui ausculte. Thanien, hawala al-tabibu Omar il-mustashfa Ams. Donc le médecin a fait transférer Omar à l'hôpital hier. Lam yuhawwil at-tabibu Omar ila al-mustashfa ams. Donc le médecin n'a pas fait transférer Omar à l'hôpital hier. N'oubliez pas là, comme je m'arrête par quand on fait la liaison, quand on dit lam, on a dit quoi le lam? Si le verbe il n'est pas attaché à un damir, il prend une sukun. Donc à la base, par exemple, dans la deuxième phrase, lam yafhas, c'est une soukoun qui a sur le sod. ولم يحول سكن باري. Mais quand on fait la liaison avec Alif Wallem, من كثرة. Tu dirais, لم يحول الطبيب عمر للمستشفى أمس. Et quand on s'arrête, il n'y a pas besoin. Ça, c'est pour le verbe qui n'a pas de damir qui est attaché, mudamir muttasil, et ni qui a le harf illa à la fin, qui n'a pas un ya ou un waou ou un alif à la fin comme lettre. Et il y aura plus de détails, inshallah, dans les douloureuses de sarf. Rabi'an, makatha Omar bil mustashfa salasata ayyamin. Donc Omar est resté à l'hôpital 3 jours. لم يمكث عمر بالمستشفى ثلاثة أيام. Donc Omar n'est pas resté à l'hôpital 3 jours. Au contraire. عالج الطبيب عمر أمس. Le docteur ou le médecin a soigné Omar hier. لم يعالج الطبيب عمر أمس. Le médecin n'a pas soigné Omar hier. Et عالج c'est un rubaï. C'est un roba'i, un verbe en 4 lettres. Donc c'est you au début, et c'est une kasra pour la fin. Yu'aliju. Pas oublié. Maintenant, thaniyan. Istamir wa raddit. Il n'y a que le contraire maintenant. Là on a pris mudari' wa mardi. Ou plutôt mardi. Et Moudari, à laquelle Moudari Mardi, Menfi. Un présent qui revient au passé avec une négation, à cause de l'âme. Maintenant, il va faire quoi? Un Moudari et un Moustakbel. Présent et futur. Yaqul, Yafhasu al-Tabibu al-Marida Radan. Donc le médecin, Tayyib, auscultera le malade demain. Et là, il n'y a pas mis ça. Pourquoi? Parce que le mudarir tout seul, quand yufidu mustaqbal, l'ikarina, quand tu as un indice qui t'indique que c'est le futur, comme la raden, c'est-à-dire que là, le futur mudarir, il veut dire demain. Donc, nous, on le traduit par le futur. Bien que tu peux dire comme cela va venir maintenant, sayaf hasu tabibu al-marid raden. Et là, pour nous, en français, il n'y a pas de différence. On va faire la même phrase. Que le médecin sculptera le malade demain. Donc le mudari yufidu al-hal al-hadir, c'est-à-dire le temps actuel, ou également le mustaqbal, le futur. Et ça tu le déduis par le sens de la phrase. Et également par des indices comme la raden, مثلاً. ثانياً يحول الطبيب المريض إلى المستشفى مساء الغد. Donc le médecin, là on, également on est obligé de mettre au futur en français, transférera le malade à l'hôpital demain après-midi. Masa en fait c'est l'après-midi, ça peut être aussi le soir. À la base le masa, le vrai temps du masa, quand même, c'est de bad al-zawal après Dhor, il a monté sa fellaïd jusqu'à minuit. Le Raten, c'est ça le Massa. Maintenant, tu as d'autres temps. Des fois, le Massa, c'est pas la Asar. Mais réellement, littéralement parlant, si tu cherches dans le Mourjem arabi, dans le dictionnaire arabe, le Massa en arabe, c'est de Bad Dhor, il a monté sa fellaïd. Mais quand on dit masalan askar al masa, c'est pas là qu'il faut que tu les fasses. Il faut que tu les fasses après l'asar. Entre l'asar et le marlin. Parce que là, il y a des adillés qui disent que c'est là qu'il faut les faire. Mais le ratel al masa ou sa min dalik. Summa. Attends, je vais arrêter où là? طيب ثم سيحول الطبيب المريض الى المستشفى مساء الغد. Donc là c'est pareil, c'est le même sens que le tabib va transférer le malade à l'hôpital. طيب demain après-midi, en fait de l'après-midi du lendemain. ça qu'il veut dire. ثالثا يمكث المريض بالمستشفى اسبوعا. Donc le malade reste à l'hôpital une semaine. Mais là, rester là, c'est le même sens que abqa tout ça que, on peut dire abqa le malade, c'est mais makathas, il y a aussi un sens de rester, de s'installer. Mais il est mouradif de baqi yabqa. C'est un synonyme. Non, on pourrait dire yabqa. Il n'y a, a pas de différence. Yabqa, yabqi. Yabqa. Il n'y a pas de yabqi. Là. وزبوعه لا سمسمان سيمكث المريض بالمستشفى أسبوعا pareil que le malade restera à l'hôpital une semaine. رابعا يعالج الطبيب عمر غدا. Donc le médecin, là on est obligé de nous mettre au futur à cause du mot غدا, il soignera عمر demain. سيعالج الطبيب عمر غدا. Là on a rajouté le signe pour le futur, mais dans la traduction il n'y aura pas de différence, que le médecin soignera عمر غدا. Et ça c'est signe, c'est pour un futur proche, et quand il met saufa, c'est un futur plus lointain. Si tu mets saufa à la place de signe, c'est un futur plus lointain. Et le signe, c'est un futur plus lointain que quand on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu mets. Il y aura. Allah, ça dépend de la phrase. Ça, j'ai pas entendu de call là-dessus. Je ne peux pas te dire. Je peux juste te dire que c'est au fait, c'est un futur plus lointain que ce qu'on. ثالثا حاول كما في النموذج النموذج فحص الطبيب عمر. Après il faut rentrer l'âme dedans. L'âme يفحص الطبيب عمر. Ça vient comme le premier qu'on a lu. نعم لا فيبر. Donc ça inchallah سيكون لغد. Et ensuite l'autre, il n'y a pas d'énoncé, je sais pas s'il y a une erreur d'imprimé ou pas, la page d'à côté. C'est le futur, ça. Ouais, c'est ce que je pense qu'on va mettre avec signe. Vous réécrivez les phrases en mettant signe. Et le fait qu'il y ait l'youm, maman, il y a d'autres. Le fait qu'il y ait l'youm, par exemple, il y a qu'il y a tassil ou Ibrahim ou bilisaf l'youm. C'est-à-dire que Ibrahim appelle les secours aujourd'hui. Comme tu peux le futur aussi. C'est-à-dire que tassil ou Ibrahim ou bilisaf l'youm. Ibrahim va appeler les secours aujourd'hui. Là, il y a là, tu peux mettre le futur. C'est parce que ça peut être maintenant, il va faire après, dans la même journée. Ma fille, Aymania. Par contre, si elle a mis Ams, là, tu ne peux pas mettre ça. Ça, il y a Tassil Ams. Là, non. C'est Ibrahim appelle à les urgences aujourd'hui, c'est ça? Non. Et le Bi, là, pourquoi il y a Bi? Parce que Bi, normalement, c'est pas. C'est quand il y a Tassil, on a dit il y a Tassil pour appeler, tu dis Bi ou Li. هذا فقط الدرس قصير اليوم وما زلنا لغد ان تكتبوا جملا حتى انت عبد الرحمن التمرين للدرس précédent سابع بعد فقره الاسعاف والمنتصف والبيضاء والبطن والنجاح وكيل. Donc pour demain, ça va bien. Seulement. Et vous cassez, faites des phrases simples. Ahamché, Jumal Mufida, Fiha, Adil Kelimat. Parce que moi, en fait, que je ne comprends pas. Moi, c'est des noms. Je ne sais pas si c'est des noms. des adjectifs, des... Si tu connais le sens du mot, comme on l'a pris, il n'y a pas besoin de... Tous les mots, là, on les a pris. Ouais. Après, c'est à toi de les mettre. Si je te dis le najah, c'est la réussite, c'est un adjectif. Hein? Si je te dis le najah, c'est déjà la réussite. Israf, le secours, c'est un adjectif. Ah. Donc si tu as le ma'ana, le mushkila, il n'y a plus de mushkila. Si tu avais dit kabir, naam, grand. Ouais. Beida, par exemple, ça veut dire quoi? Beida, ça veut dire quoi, Beida? Beida, c'est blanche. Taïeb, ça c'est quoi? Ça, c'est... Tu vas mettre un adjectif. Un adjectif, ça. Ah, ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, ouais. Par contre, j'ai une question. Là. Comment on différencie Beida de Beida, Beidatoun? Il y a un ta, Beidatoun. Ouais, mais... Tu viens de le dire toi-même. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais quand tu parles, généralement, tu ne dis pas le ta à la fin. Tu vois, souvent, quand les gens ils parlent, ils ne disent pas le ta. Tu dis pas... Donc de quel je fais Beida? Je vais une blanche. C'est ça que ça veut dire? Moi, franchement, je disais, je le dis, il comprend direct. Donc, il est... Eh ben, donc, c'est ça que je fais comprendre. Il n'y a pas de mushkila. Ça, c'est toi qui t'as vendu de Majagil. Il n'y a aucun mushkila. Regarde, dans Dekin, il dit, Beida. Le Dekin, il dit, tu crois qu'on comprend, je veux une blanche. Il sait que c'est un neuf que tu veux. C'est ma'akoul. Tu vois? Ouais, il y a des phrases, elles sont wadiha. Tu vois, faut pas vous laisser aller trop loin dans le tafkir, tu veux dire. Le truc, il est clair, il est clair. Il n'y a pas de mushkila dedans. Beida et Beidatun, dans la phrase, c'est tout ce que tu veux dire. Il n'y a aucun mushkila. Tu vois, ça, c'est des wasaous qui viennent comme ça pour te compliquer la tâche en train de réfléchir. C'est tout simple, mais attends. Il faut que la chose soit trop facile pour qu'elle soit dure. Attends. Comment je vais la rendre dure à tout? Ah, ça, c'est des wasaous. Il n'y a rien de, là-dedans, Inch'Allah. Et le lem, si on avait dit ça, on avait parlé de ça, le lem c'est quoi? C'est un passé ponctuel ou c'est un passé, on va dire, qui dure, enfin, qui a duré? Comment ça? Tu m'as compris ou pas? Par exemple, c'est quelque chose d'habituel ou c'est quelque chose de ponctuel? Par exemple, parce que quand tu parles d'imparfait, par exemple, en français, quand tu dis « je faisais », c'est-à-dire que tu avais l'habitude de faire quelque chose. La fiada, c'est quoi? C'est je n'ai pas fait, c'est je n'ai pas fait. Fiada, fiada, fiada, l'en, khana, khuzma, khana. Toi, déjà, il y a une maîtrise qu'on a pris. Et ça, c'est pareil, ça, c'est le même ben. C'est comme quelqu'un, je sais pas, il arrive là, un exemple. Il fait le code de la route, il dit ouais, comment on freine et tout. D'abord, apprends les signaux, apprends le stop, apprends le feu rouge, et après, quand tu es dans la voiture, on t'apprendra à freiner. Tout ça pourquoi? Pour te compliquer jusqu'à devant toi, tu vas la faire oublier pour aller plus loin et à la fenêtre, tu n'auras ni plus ce qu'il y a devant, ni ce qu'il y a derrière. Tu seras resté au milieu en fait, tu dis, bah, je ne sais plus où je suis. Là, c'est la même chose. Ça, c'est un truc que je ne voulais pas donner, comme je dis souvent, frère. Et ça, j'ai remarqué souvent, les frères, on leur donne un ders simple et ils vont se compliquer la tâche. Et à la fin, en fait, on enlève tout, ils disent, ouais, ça va trop vite, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et imagine-toi, je suis redonné en plus que tu me demandes comme question. Justement, en plus, ce que tu vas poser comme question, le DERS, j'en fais 4 livres. C'est faisable, mais c'est pas le but. Sinon, après, ça va te dégoûter. Il faut bien comprendre ce qu'on utilise aussi. Enfin, le lem, si on sait. T'arriveras jamais à parler l'arabe en une semaine. Hein? T'arriveras pas à parler l'arabe en une semaine. Même les relèves, quand ils font un livre, non, ils donnent. Ça, c'est arrivé à Zayd ibn Thabit. Il a appris la langue des juifs en 17 jours. Ça, c'est un miracle. Propre à lui. Et ouais, frère. T'as donc, moi, je me dis, si ça lui a arrivé, Inch'Allah, ça peut m'arriver. Moi, je crois plutôt que tu vas arrêter l'anglais arabe peut-être en 17 jours. Si tu fais comme ça. C'est ça qui va se passer. Mafoum alors ? Pan tabihu le wasal shaitan qui veut vous faire aller trop vite pour justement faire, vous faire abandonner. C'est vrai, mais. Non, fa'ina huna.